survivre dans ce monde terrible. Seigneur, merci de nous faire grâce, Seigneur. Remplis-nous de ta parole, de ton amour et de ta sagesse. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour tout ce que tu nous diras ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir ta parole. Seigneur, je prie que rien ne peut empêcher ou rien n'empêchera ta parole d'agir et d'accomplir ce pourquoi tu l'envoies dans nos vies. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Merci encore pour le chant. Si vous n'êtes pas doux comme des colombes, vous n'y arriverez jamais. Certains d'entre vous, vous êtes trop durs, trop méchants, trop égoïstes. Alléluia. La Bible dit que si vous n'êtes pas doux, il faut que vous soyez doux. Dis à ton voisin, sois doux. Sois doux avec moi. Alléluia. Et tourne à quelqu'un d'autre et dis, toi là, sois sage. Parce que si tu n'es pas sage, tu vas mourir avant ton temps. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vraiment un conseil, hein? Gaston. Amen. Et ce sont les paroles de Jésus. La semaine passée, nous avons parlé des simulateurs, n'est-ce pas, ceux qui prétendent, n'est-ce pas? Qui n'était pas là la semaine passée? Alright. Bon, c'est pas grave. Dieu vous aidera. Amen. Nous avons vu certaines personnes, personnalités, personnages dans la Bible qui ont montré un certain aspect. Alléluia. Ce qu'on appelle la simulation ou l'hypocrisie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. If my book decides to open, on va continuer. Amen. La technologie est bonne, mais parfois, on dépend trop de la technologie. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Nous avons regardé la semaine passée, on a vu que être hypocrite ou l'hypocrisie représente beaucoup de choses. Est-ce que vous vous souvenez de certaines choses? Quels sont les synonymes de l'hypocrisie? Do you remember? Simulateur. What else? La personne paraît ce qu'elle n'est pas. Paraît ce que tu n'es pas. Ne pas être vrai. Ne pas être vrai. Faire semblant. Prétendre. Faire semblant. Faire semblant. Donc c'est prétendre, on a déjà dit. Any other way? Duel, la dualité. Ok, les Congolais disent duel. Et duel. Les Congolais de Brazzaville. Duel, la dualité. Amen. Alléluia. Yeah. Les simulateurs. Faire semblant. Donner une impression. Prétendre être quelque chose que tu n'es pas. La Bible dit que l'amour ou la charité doit être sans hypocrisie. Soyons vrais, n'est-ce pas? Ce qu'on voit doit être ce que tu es. Il ne faut pas faire semblant si tu aimes quelqu'un. Et on a vu, on a commencé à apprendre des caractéristiques, n'est-ce pas, des simulateurs. On a vu quelques exemples. Qui était la première personne qu'on a vue? Qui? Angélique. Angélique, c'est qui? Demande à ton voisin, est-ce que tu t'appelles Angélique? La première personnalité ou caractère ou personne que nous avons vue, c'était le diable lui-même, n'est-ce pas? Il a fait semblant. Il a pris une certaine image ou une certaine apparence. Alléluia. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pas seulement en ange, parce que quand on parle de ange, on parle de choses, des bonnes choses. On pense à Dieu et de ses envoyés spéciaux, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous savons tous que Dieu, la qualité de Dieu, c'est la lumière. Quand Dieu entre dans ta vie, il apporte la lumière. Mais Satan aussi, il est au courant, il sait ça. Et il sait que si tu ne regardes pas bien et tu vois la lumière, tu penseras que c'est Dieu. Donc il a pris la forme d'ange de lumière. Il y a beaucoup de personnes aussi, ils savent qu'il y a beaucoup de chrétiens ou de personnes qui ne sont pas vigilants. Ils prennent des choses à l'apparence, comme ça apparaît. Tel que ça se présente et il croit. Alléluia. Mais la Bible et le chant que tu as chanté dit qu'il faut que tu sois sage comme des serpents. Comment est-ce qu'un serpent peut vivre parmi les gens sans être détecté? C'est par une certaine sagesse. Parce qu'il sait que lorsque l'être humain découvre sa présence, c'est fini. C'est fini. Quelqu'un dit, si tu as un lézard dans ta maison, tu sauras. Mais si tu as un serpent, peut-être tu ne sauras pas. Yeah. Parce que le serpent a certaines qualités que nous devons prendre. Amen. Il y a d'autres qualités que nous ne devons pas prendre. N'est-ce pas? Mais il y a une certaine qualité que nous devons prendre. Et ça, c'est la sagesse. Savoir, un certain savoir, certaines connaissances. Amen. La dualité de Satan déguise en ange. Il y a beaucoup de personnes qui se déguisent en ange. Et si tu n'es pas vigilant, tu ne vas pas reconnaître la différence entre quelqu'un déguisé en ange de lumière et quelqu'un qui est vraiment ange de lumière. Il y a certaines caractéristiques qui sont pareilles. Mais il faut regarder un peu plus loin. Un peu au-delà des apparences. Même les hommes de Dieu tombent dans ce piège. Quand Samuel devait oindre le roi, le futur roi, le remplaçant de Saül, il s'est trompé 2, 3, 4 fois. Quand il a vu les frères, les Eliab et les autres, la Bible dit, il s'est dit, non, ça doit être lui. Ça doit être celui-là. Parce que quoi? Il est grand, il est beau, il a vraiment la carrure imposante de roi. Quand tu le vois, il commande un certain respect. Juste par sa personnalité. Quand vous voyez certains chefs d'État, vous dites, ça c'est un chef d'État. Mais si ton chef d'État est petit, de taille, et si ton chef d'État n'est pas beau, ça n'inspire pas une certaine confiance. Une raison pour laquelle notre président Rawlings, il a toujours beaucoup de personnes qui courent après lui et qui le respectent et qui l'aiment, c'est parce qu'il est beau. Il est beau, il est grand, teint clair, il a le corps, la présence. Quand il marche, il dit que yes, un président. Peu importe ce qu'il a dans sa tête, peu importe ce, sa doctrine ou de sa philosophie, il est beau. Donc beaucoup de personnes acceptent. Il y a un certain homme politicien qui est très intelligent, mais il n'a pas ce même statut. Il a essayé au moins 4 fois d'être président. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui l'empêche. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'il n'est pas beau, ou il n'est pas grand, ou il n'a pas la présence. Mais c'est une hypothèse. Amen. Alléluia. Donc, les hommes jugent par apparence. Amen. Y compris les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible nous avertit, dit, ne soyez pas ignorants des astuces, des choses que le diable peut faire pour te faire tomber. Ne soyez pas ignorants. Soyez sages. Garde les yeux ouverts. Parce qu'il y a des simulateurs parmi nous qui arrive à tromper les gens. Ils arrivent à tromper parce que c'est, how do you say counterfeit? Contrefait. Contrefait. Si je te donne un billet de $3, est-ce que tu vas accepter? Pourquoi? Cela n'existe pas. Un billet de $3, tu es sûr? Ça n'existe pas. Mais si je te donne un billet de $10, folie, je prends. Tu peux prendre. Pourquoi? Parce que ça existe. Tu ne peux pas contre. How do you say? You cannot contrefaire ce qui n'existe pas. Tu ne peux pas falsifier. Ok, merci, tu es gentil. Tu ne peux pas falsifier ce qui n'existe pas. Je ne pourrais jamais te convaincre qu'il y a un billet de $3, ni un billet de $7 ou $70. Même si j'amène ma croix de révérende et je dis, crois-moi que c'est le nouveau billet de $3. J'en ai une dizaine à te donner. Tu vas refuser. Tu ne peux pas. What was the word you gave me just now? Falsifier ce qui n'existe pas. Mais Satan, il savait que s'il veut te tromper, Pasteur Pascal, il faut qu'il se donne l'apparence de quelque chose qui existe. Il faut qu'il prétende être quelque chose que tu vas croire. Et tu vas accepter. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent cet aspect satanique, si je peux dire, de Satan. Cette capacité de prendre la forme de quelque chose qui existe, mais qui n'est pas vrai. Autrement dit, il y a beaucoup de hypocrites dans la maison de Dieu qui se déguisent en ange de lumière, en quelque chose d'acceptable. Comment est-ce que nous allons découvrir ou reconnaître la différence? Comment? C'est possible de reconnaître si tu as un billet de $100 qui est falsifié. Tu sauras. Même dans les banques, ils donnent quelques astuces. Ils disent, regarde ça par la lumière et tu verras ça doit avoir des marques, il doit y avoir une ligne. Il y a certains signes, n'est-ce pas? Mais il faut regarder attentivement, il faut chercher. Alléluia. Ça peut se voir. Ça peut se sentir. Tu peux. Tu as sommeil. Your eyes seem to be getting smaller. Amen. Ça peut se voir. Sinon, Dieu n'allait pas nous dire que nous devons prendre garde. Il n'allait pas nous avertir. Il y a certaines choses qui pourront nous aider à reconnaître, à connaître la différence entre quelqu'un déguisé en ange de lumière et un vrai ange de lumière. Alléluia. Let's look at Proverbs. Deux versets dans le livre de Proverbes. 14:15. Proverbes 14, le verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif. La première chose que tu dois faire si tu veux reconnaître ou reconnaître le simulateur ou l'hypocrite ou celui qui est déguisé, c'est d'être attentif. Il faut que vous soyez attentif. Attentif, c'est quoi? Vigilant, aux aguets, veillé, quoi? Alerte. Prêtez attention. What else? Prudent. What? Méfiant, ok. En éveil. Oui, Marie-Joël. What? Être sur ses gardes. Amen. Amen. Attentif. L'homme prudent est attentif. Faites attention. Garde les yeux ouverts. Regardez. Veillez. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des signes. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va trahir celui qui prétend. Il y a toujours quelque chose qui va exposer la personne qui prétend. Mais tu ne peux pas savoir si tu ne prends pas le temps de bien regarder. Si tu es pris par l'apparence, tu ne verras pas les autres signes. Beaucoup de personnes se donnent avant de regarder. Voilà pourquoi la semaine passée, je vous ai demandé de ne pas tomber amoureux de quelqu'un. Mais de marcher dans l'amour. Parce qu'une fois tombé, tu vas te faire mal. Tu vas te blesser. Quand tu tombes, automatiquement tu vas te blesser. N'est-ce pas? Même si tu tombes amoureux de quelqu'un, le fait de tomber là, c'est pas bon. Amen. Vous tombez amoureux avant de regarder la personne. Tu es maintenant amoureux de quelqu'un qui te tape matin, midi, soir. Comment ça se fait? Ça se fait parce que tu n'as pas été prudente ou prudent pour voir les signes. Tu n'as pas été attentif aux signes. Et tu t'es donné avant de regarder. C'est pourquoi tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas sortir de cette relation. Parce que tu es déjà tombé. Are you listening to me? Un simulateur a réussi à t'attraper. Il a attrapé ton cœur avant que tu ne sois. Tu ne t'en rendras du site. Hein? Et tu ne t'en rends pas compte. Avant que tu ne t'en rendes compte. Hey! Amen. It's a good message. You forget about the grammar. Oubliez la grammaire. What does Pastor this thing say? Bon théologie, mauvaise grammaire, whatever. But la théologie est bonne. Amen. Tu as été pris par l'apparence. Tu n'as pas. La Bible dit, l'homme simple, il croit tout ce qu'on dit. Il dit, je t'aime, bébé. Oh, il m'aime. Il m'aime. Il aime. Il t'aime pourquoi? Parce qu'il dit qu'il m'aime. Il est gentil avec moi. Il est gentil avec toi. Mais est-ce que tu n'as pas fait attention à la manière dont il bouffe toujours ton argent? Il t'aime beaucoup. Surtout quand le western arrive. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a un certain... There's a certain pattern. Hein? Un homme? Rare. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu n'as pas fait attention? L'amour, c'est la fin du mois. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Il y a... Listen to me. Vous pensez que je blague, mais je ne blague pas. Je ne blague pas. Il y a des signes. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme prudent est attentif. La différence entre l'homme simple et l'homme prudent, c'est l'attention. L'attention aux détails, l'attention aux signes. Un médecin, il n'est pas médecin juste parce que il se levait le matin. C'est parce qu'il a appris à reconnaître les signes, les symptômes. Quand tu vas chez le médecin et tu dis, je suis malade, il va demander, il ne pourra pas deviner ce qui ne va pas. Il va te demander certaines questions. Et il cherche les signes et les symptômes. Ça, c'est la prudence. Regardez les signes et les symptômes. Amen. Sage comme un serpent. Alléluia. Sage comme un serpent. Il y a certains signes auxquels tu dois faire attention. Voilà pourquoi il faut prendre du temps pour connaître quelqu'un. Tu ne peux pas arriver au Ghana le mois de janvier et le mois de mars. De mars, tu es déjà amoureux de quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu es simple. Tu es simple. Tu as cru tout ce qu'on t'a dit. Tu es simple. Dis à ta soeur, la soeur, c'est surtout les soeurs. Tu es simple. Tu es simple. Tu ne peux pas me dire que tu es amoureuse. C'est trop simple. C'est pas bon. En 3 mois, tu es amoureux. Why? Why? Tu es simple. Et tu as cru. Il te faut du temps. Oh, mais Lady Pastor, il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Sister? Sister? Wake up. Wake up! Oh, on le dit parce que c'est parce que tu es maintenant vieille et tu as vu trop de choses. Nous les jeunes, vous êtes simples. C'est la simplicité qui nous tue. Il dit, oh mais il prie avec nous, donc il est un frère, c'est un frère de l'église. Tu es simple. La Bible dit que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Les anges de lumière, ils se trouvent où? Si ce n'est pas dans l'église. Ange de lumière. Il y a des anges de lumière, il y a des gens en gestes de lumière. La simplicité nous tue. C'est la simplicité qui fait de nous des victimes. Des cibles. La simplicité. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent, il est attentif. Tu m'aimes? Oh, really? Qu'est-ce que tu aimes à mon sujet? Et pourquoi tu dis que tu m'aimes? Est-ce que tu me connais? Qu'est-ce que tu connais de moi? Quelles sont les qualités que tu aimes chez moi? Ah bon? Tu m'aimes? C'est vrai? Ok. Ça va se voir. Ça va se savoir. C'est avec le temps, ma chère. C'est pas avec les paroles. C'est pas par la gentillesse. C'est par le temps. C'est avec le temps que tu sauras si vraiment il t'aime ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne commettra pas des erreurs ou il ne va pas t'énerver. Ça, c'est normal. C'est un être humain. Ok? Mais, il y a des symptômes. Il y a des signes. Colombe. Douce. Comme une colombe. Mais sage. Comme un serpent. Alléluia. Proverbe 22:3. Ce sont des versets que vous devez garder. Proverbe 14:15, Proverbe 22:3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Voit le mal. Encore cette idée d'être attentif. Il voit le mal. Et se cache. Mais les simples disent, oui, ça n'a pas marché avec, ça n'a pas marché avec, what's the name I used last week? Elodie. Ça n'a pas marché avec Elodie, mais ça va marcher avec moi. C'est parce que Elodie ne le comprenait pas. Elodie ne le comprend pas. C'est moi qui le comprends. Toi, tu t'appelles quoi? Elone. Elodie n'a pas compris. Il est sensible, tu vois. Il est sensible. Et tu dois faire attention. Ça n'a pas marché avec Elodie. Mais ça va marcher avec moi. L'homme prudent voit le mal. Comment est-ce que tu peux voir le mal? Comment est-ce que tu... C'est exposé. What? Comment est-ce que tu peux voir le mal? En observant. En observant. Mais, et puis le mal là, c'est pas un mal évident. Parce que même un simple, s'il voit un trou, il verra que c'est un trou. Il verra que c'est un trou. Donc, si vraiment il avance malgré le trou, lui n'est plus simple, il est maintenant fou. Mais la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Il y a un certain mal ou des mots qui existent, qui ne sont pas évidents, subtils. Mais si tu es prudent, tu peux toujours le savoir. Beaucoup de personnes ici, vous avez moins de 30 ans, mais le nombre d'erreurs que vous avez commis, le nombre d'erreurs que vous avez commis à votre jeune âge, ça c'est la simplicité personnifiée. Le mot simple là, c'est toi. Tu fais une erreur, on peut comprendre. Deux, ok. Trois, on commence à... Mais quatre, cinq, six, sept, huit. Pourquoi? Cinq avortements avant l'âge de 30 ans. Non, la simplicité là, c'est trop. Tu vas finir par mourir. L'homme prudent voit le mal et se cache. Il fait un effort de s'éloigner du mal. Mais les simples avancent. Ils avancent. Ils disent, oh, ça ne va pas m'arriver. Ça ne va pas m'arriver. Ils disent plutôt que ce sont les simples qui tombent dans ces pièges. Je vais le dire, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Voilà pourquoi beaucoup continuent à avoir des rapports sexuels sans préservatif. Vous n'êtes pas marié, mais vous continuez. Ça, c'est la simplicité. Qui voit le mal, mais il avance. Hello? Ou je vous ai perdu en chemin? Sans préservatif, sans protection. Sans, what's the word, is it capoche ou capuche? Capote, ça c'est capoche. Yeah! Capote. Attends! Et tu te demandes, comment ça se fait que tu es malade, toi? Tu as la gonorrhée, syphilis. Tu es tombé enceinte, tu dis, oh, je ne sais pas comment c'est, tu ne sais pas comment c'est arrivé! Where were you? Where were you? Je l'ai dit, pasteur, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu es tombée enceinte. Tu ne sais pas comment. Lady Pasta, il m'a invité chez lui. Il m'a invité, on devait regarder un film seulement. Vous devez regarder un film seulement. Chez lui, c'est un cinéma. Il habite à Cramon. On devait regarder un film seulement, Lady Pasta. Really? Lady Pasta, il m'a trompé. Il t'a trompé comment? Il t'a trompé comment? Il a dit, Lady Pasta, il m'a dit, on m'a envoyé le poisson salé, tu peux préparer pour moi. Il dit parce qu'il sait que je prépare bien, donc il m'a invité à préparer pour lui. Tu es simple. Simple. La simplicité va te tuer. Amen. Vous riez, mais vous savez que c'est de vous que je parle. Le verset là, c'est pour toi. Le mal se voit. C'est visible. C'est visible. Si seulement vous êtes attentif, vous porte, prêtez attention. Vous ouvrez les yeux. Que vous soyez vigilants. Amen. À votre âge. À votre âge. Vous ne devriez pas avoir tant de problèmes de santé. C'est à cause de ce que vous avez fait dans le passé. Les excès. Tu as trop expérimenté. Trop d'expérimentation. Expérience. Tu as fait trop d'expérience à ton âge. Tu cherches quoi? Tu n'es pas scientifique, tu fais des expériences. Le prudent, l'homme prudent, il voit le mal. Il voit et il se cache. Il prend le temps de se cacher. Il dit non, ça là, si je continue, le mal va m'avoir. Il se cache. Oh. Il ne s'éloigne pas, il se cache. Il se cache, il dit le mal ne doit pas me voir. Pourquoi? Parce que s'il me voit, si le mal là me perçoit, si le mal là me localise, je peux facilement tomber. Parce que je sais que je ne suis pas fort. Je sais que je ne suis pas capable de surmonter. Je sais que de moi-même, je ne suis pas capable. Il vaudrait mieux que ce mal-là ne me perçoit, m'aperçoit pas. Et il se cache. Non, il se bat. Il voit le mal venir, il dit ok. Il se cache. Il dit, I don't like myself trouble. Il y a un certain James Bond que moi j'ai aimé. Parmi tous les James Bond dans le passé. Ça c'est Roger Moore. Vous savez pourquoi? Parce que lui il ne se battait jamais. Il se cachait toujours. Il est toujours... Quand il voit le mal venir, il s'échappe. Mais le récent là, il aime trop se bagarrer. Il aime trop se bagarrer. J'aime pas ça. Le nouveau. Il est jeune, hein? Il est simple. Roger Moore, il peut jouer contre tout le monde. Même Jaws, the one with les dents en acier. Là. Il se cache toujours du mal. Il est élégant. Il ne veut pas se salir. L'homme prudent voit le mal et se cache. Nous parlons des hypocrites, des simulateurs dans l'église. Je ne parle pas du monde. Le monde, c'est le monde. Si toi, tu vas t'ajouter, te mélanger, te mêler avec ceux du monde, c'est ton problème. Tu es encore plus simple que le simple. Plus que simple. Comme le plus que parfait. Plus que simple. Yeah. Je parle de simulateurs. Le monde, ils ne font pas semblant. Ils disent, moi, je ne crois pas. Moi, je vais boire. Moi, je veux forniquer. C'est bon. Moi, j'enjoy. Hein? La vie est courte. Il faut faire. Il faut que tu sois libre. Tu es jeune. Il faut que tu enjoy la vie. Ça, c'est le monde. Il ne cache pas. Il y a beaucoup plus d'hommes sincères dans le monde que dans la maison de Dieu. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est la vérité. Je parle dans la maison de Dieu, des frères et des sœurs en Christ. Yeah. Voilà pourquoi le monde nous traite d'hypocrites. Parce que c'est vrai. Are you listening to me? La simplicité est en train de nous tuer. Parce qu'il y a des agents de Satan qui se déguisent en anges de lumière pour tromper les simples. C'est un objectif. Pour tromper les simples. Mais toi, tu peux être transformé de simple en prudent. Si seulement tu ouvres les yeux, tu vois le mal et tu te caches. Je ne suis pas prêt à me marier, ni cette année, ni l'année prochaine. Je vois le mal venir si j'entre en relation pour 3 ans, 5 ans, 6 ans. Je vois le mal venir. Je vois le mal venir. Donc, je préfère me cacher. Je préfère me cacher. Les gens vont me traiter de tout et de rien. Ok, c'est pas grave. Mais moi, je vois le mal. Je vois tous ceux qui m'ont précédé. Qui ont été dans des relations de 5 ans, 3 ans, je sais pas, 8 ans. Je vois. Et je vois ce qui s'est passé. Moi, je vois le mal venir. Je me connais. Je me connais. Je me connais. Je ne suis pas prêt à être père, ni cette année, ni l'année prochaine. Parce qu'il y a des simulatrices qui vont vous attraper par la grossesse. Piégées même. Elles ont déjà calculé le mois, les jours et les heures. Puisque toi, tu es simple, tu avances. La Bible dit que tu seras puni. Tu seras père avant le temps, quand tu n'es pas prêt. Beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà père et mère. À l'âge de 20 ans, à l'âge de 22 ans, il y a un jeune footballeur dans mon équipe préférée là. Il a 20 ans, il a 3 enfants. Il avait 3 enfants à l'âge de 19 ans. Vous connaissez qui c'est? Yeah. Avec 2 femmes différentes. Une femme a fait une a fait jeune. 19 ans. Beaucoup d'entre vous, vous êtes papa, maman. Vous voici. Vous êtes incapable de prendre soin de vous-même, encore moins de quelqu'un d'autre. Vous avez 2 enfants. Et votre bilot, elle aussi, en a 2. Avant de vous marier, vous avez 4 enfants. Et ensemble, vous allez, vous aimerez en avoir aussi 2. Donc à l'âge de 25 ans, père de 6 enfants. Oh! Yeah. Et vous allez dire, hey, chérie, nos enfants sont en train de battre. Hey, tes enfants sont en train de battre. Tes enfants et mes enfants sont en train de battre nos enfants. Tes enfants et mes enfants sont en train de battre nos enfants. Pourquoi? Parce que tu as manqué de sagesse. Tu as déjà fait un enfant. Sois sage à partir de maintenant. Fini la simplicité. Amen. Amen. Ce n'était pas planifié. Ok. Mais certains sont planifiés. Ça, c'est votre choix. C'est votre choix. Parce que vous pensez que vous, l'âge maintenant, j'ai l'âge de me marier, il n'y a personne qui vient, donc il faut que je fasse un enfant. Certaines personnes me disent, ne dis pas ça, le médecin dit qu'il faut que je fasse un enfant. C'est le médecin qui va payer la scolarité de ton enfant. J'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu beaucoup de personnes qui me disent ça. Amen. La simplicité dans la maison de Dieu, c'est trop. C'est trop. Amen. Ce qui est encore pire, c'est qu'il y a beaucoup parmi nous qui savent ce qu'il faut. Ce n'est pas par simplicité, c'est par méchanceté. Merci. Ils savent ou elles savent ce qu'elles font. Elles savent. Elles savent ce qu'elles font. de méchanceté. Il y a des gens qui savent qu'ils sont séropositifs, ils sont le sida, et ils vont chercher des victimes. Yes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des cas comme ça? Yeah. Donc, pourquoi est-ce que vous continuez à travailler sans protection? Pourquoi? Pourquoi? Si vous savez que ça existe. Parce que vous dites que ça ne va pas m'arriver à moi. La personne avec qui je suis même. La personne avec qui je suis n'est pas comme ça. La personne avec qui je suis est différent. Really? Really? La simplicité dans la maison de Dieu, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Moi, je dis, si vous ne voulez pas être sage, si vous ne voulez pas être sage. I forgot what I was going to say. If you don't want to be... si vous ne voulez pas être sage, soyez prudent au moins. Yeah. If you are going to fornicate, protégez-vous. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Il ne faut pas aller dire quelque part que le pasteur a dit qu'il faut forniquer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Au moins, il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Ça, c'est ce que Dieu veut. Abstenir complètement. Tu ne vas pas mourir. Dis à ton voisin, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je sais que les gens disent, si tu es un jeune homme et tu es vierge jusqu'à l'âge de 20 ans, tu vas mourir. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas mourir. Mais si tu ne peux pas abstenir, sois prudent. Sois prudent. Amen. Oh, Lady Pastor, si je vais acheter la protection, les gens vont me voir. Donc, tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. Tu sais. Au marché noir. Soyez prudent. Ce que vous faites dans les ténèbres, ça va se voir un jour à la lumière. Et Dieu a déjà vu. Dieu a déjà vu. Il a déjà vu les manœuvres dans ton cœur. Tes pensées, le scénario, tu as déjà tout créé, l'atmosphère que tu vas choisir. Tout. La musique que tu as déjà choisie. Les bougies. Il a déjà tout vu. Amen. La simplicité dans la maison de Dieu, c'est too much, too much, too much. Too much, my darling. Voilà pourquoi Dieu a écrit sa parole. L'homme prudent, il voit le mal venir. Et il se cache. Le mal venir. Il se cache. Il y a ton voisin, frère, il faut commencer à se cacher. Il faut que tu te caches. Amen. Il faut que tu te caches. Trop de simplicité, tu vas finir mal. Tu vas mal finir. Amen. Alléluia. Je voulais qu'on regarde des gens simples, mais bon. Je crois que on va continuer au second service. Alléluia. Levez-vous. J'ai terminé pour le premier culte. Alléluia. Le mal. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Amen. J'aimerais que tu pries maintenant pour toi-même. Amen. J'aimerais que tu pries. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être simple. Je ne veux pas tomber dans le piège des simulateurs. Ouvrez votre bouche et parle. Je ne veux pas être victime d'un simulateur. Je ne veux pas tomber dans ce piège. Je veux être prudent, Seigneur. Je veux être sage. Je veux garder les yeux ouverts. Je veux être vigilant. Je veux être attentif. Seigneur, fais de moi un homme sage. Fais de moi une femme sage. Fais de moi quelqu'un qui voit le mal. J'ai déjà commis trop d'erreurs, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'ai pas été sage. Je suis victime des simulateurs. Je suis moi-même simulatrice. Je ne veux plus. Je ne veux plus être un agent de Satan dans la maison de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux, Seigneur. Je ne veux pas que ton sacrifice pour moi soit en vain. Seigneur, merci. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir averti. Merci, Seigneur, de m'avoir parlé ce matin. Remplis-moi de ta sagesse, Seigneur. Je veux être sage comme le serpent. Je veux survivre, Seigneur. Je veux arriver jusqu'à la fin, jusqu'au bout, Seigneur. Je veux être ce que tu veux que je sois. Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus tomber dans le piège. Oh Seigneur, fais de moi un homme sage. Priez, priez, priez pour vous-même. La Bible dit que si tu sais que tu manques de sagesse, demande seulement. Demande seulement. Et Dieu vous donnera la sagesse. Seigneur, remplis-nous de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient de toi, Seigneur. Pas la sagesse terrestre, pas la sagesse démoniaque, pas la sagesse, Seigneur, mais ta sagesse. Oh, fais de nous des hommes sages, des femmes sages, afin que nous puissions reconnaître et voir le mal pour nous cacher. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ta parole qui est vérité. Seigneur, change mon cœur. Transforme-moi, Seigneur, en homme sage, en homme prudent. Merci, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras par ta parole. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Toujours dans une atmosphère de prière et une attitude de prière, avec les yeux fermés, j'aimerais prier pour toi ce matin si tu es là et tu ne connais pas Jésus-Christ personnellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'as jamais pris la décision de lui offrir ton cœur, de lui ouvrir ton cœur, de l'inviter dans ton cœur. Tu n'as jamais pris la décision de dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je sais que je suis pécheur, je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me laves de tous mes péchés. Je veux que tu me transformes en un homme nouveau. Seigneur, je veux marcher selon ta parole et selon ta voix. Si tu es là comme ça, tu veux prendre la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ, de l'inviter dans ton cœur, je veux prier pour toi. Tu vas simplement lever la main. Tu vas dire, Lady Pastor, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux que Jésus soit au contrôle de ma vie. Je ne veux plus marcher selon ma propre sagesse. Parce que je me suis trop trompée, je me suis trompée trop de fois, je me suis fait du mal plusieurs fois. Maintenant, je sais que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de Jésus-Christ. Je veux qu'il soit au contrôle de ma vie. Lève la main. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Merci, je vois la main derrière. Merci, je vois la main. Toi aussi, tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu veux prendre une décision. Tu veux dire, Lady Pastor, je suis fatiguée. Je veux marcher avec Dieu. À partir de maintenant, je veux appartenir à Dieu. Prie pour moi. Lève la main, lève la main. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Mon frère, tu veux donner ta vie à Jésus? Je vais te demander de faire encore une chose. Viens vers moi, je vais prier pour toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens, c'est une décision de qualité que tu as prise. Viens, ma soeur, viens. Viens, mon frère. Viens. Je vais juste prier pour vous. Toi aussi, tu veux donner ta vie à Jésus? Viens. Viens vite, viens vite, viens vite. Merci. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Venez, venez. Nous allons prier. Merci, mon frère. Venez. Alléluia, alléluia. Encouragez-les. Entre tes mains, je... Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Alléluia, ceux qui sont devant, faites de cette prière votre prière personnelle. Et tout le monde aussi participe à la prière. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi, Seigneur. Et je te demande pardon. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi de tous mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Fais ce que tu voudras avec moi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai et je te servirai. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci pour ton pardon. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accepté. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Père de m'avoir accepté. Je crois en toi Jésus. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et à partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Âme, esprit et corps, je t'appartiens. Fais ce que tu voudras dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Félicitations pour cette décision que vous venez de prendre. Amen.